structure comme Grolsch et Tremblay dans la place, on n'a pas le choix de t'offrir les deux ambiances, pub et club. Tu veux chauffer le plancher de danse? Alors prends ta grosse ou pop ton top. Les feux de la rampe t'attendent tous les jeudis à l'Abreuvoir. Abreuvoir, pub, club, terrasse, 403 Ontario-Est. Vous écoutez CISM 89,3 FM. Bonsoir, bonsoir à ce lundi 9 décembre. Vous écoutez l'émission Le Terminus, une émission qui est dédiée au rock indépendant. Je m'appelle Jean-François Lusignan. Oui, ça va très bien, merci. La liste des chansons que vous allez entendre dans la prochaine heure va se retrouver sur le CISM893.ca quelques instants après la fin. On va commencer tout de suite avec des trucs sortis dans les derniers mois. On va commencer avec la formation d'Halifax. En fait, c'est un trio qui s'appelle Like a Motorcycle. Ils sortaient un EP qui s'appelle Hashtag Motorpool en septembre dernier. Vous allez entendre la chanson Pete Doherty's Eyes. Et par la suite, ce sera une formation, elle, de l'Arizona, s'appelle Nouns. Ils sortaient un album, leur premier album, en fait, en mars dernier, qui est disponible seulement pour 50 cents. Oui, sur le Nouns avec deux S à la fin, webcam.com. Mais on commence avec la formation Like a Motorcycle, Pete Doherty's Highs. Tout ça là, sur les ondes de CISM. Protofiev avec, vous l'aurez compris, la chanson Déborah, qui est une nouvelle chanson qu'ils ont sortie sur Internet la semaine dernière, qui est en fait leur troisième chanson en carrière, qui nous dévoile comme ça à la pièce. Donc j'imagine qu'on va avoir éventuellement une collection peut-être de chansons, un EP ou un album à venir éventuellement bientôt, parce qu'ils étaient venus en session live cet automne présenter plus que trois chansons. Donc j'imagine qu'ils en ont d'autres à nous offrir. Il s'agit juste peut-être de les enregistrer. Dans peut-être les nouvelles de la semaine, je n'ai vraiment jamais ça comme chronique, mais on pourrait quand même parler cette semaine, il y a eu quelques nouvelles intéressantes, comme par exemple, ben pas vraiment intéressantes, parce que on a appris cette semaine que le groupe de Walkmen, qui était fondé quelque part autour de l'année 2000, eh bien, ils ont annoncé leur séparation. Eux ont utilisé l'expression du extrême hiatus pour annoncer donc que c'était la fin du groupe. Ils ont simplement dit qu'ils, bon, ils avaient pas le goût de composer un nouvel album, donc ça voulait dire peut-être que c'était le temps d'arrêter. Mais je me rappelle qu'à la sortie de l'album précédent, Heaven, en 2012, ils avaient parlé là, de difficultés aussi à concilier le travail et famille. Ils ont, chacun des membres a quelques enfants déjà, donc c'est un peu difficile de partir en tournée et tout ça. Alors peut-être que c'est une autre raison pour expliquer la séparation de Walkmen. Sinon, autre nouvelle, on a appris cette semaine que Stephen McMouse and the Jicks, l'ancien leader de Pavement, donc je faisais tourner le premier extrait de l'album qui s'en vient en janvier. Il va être à Montréal le 23 février prochain au Café Campus. Donc une salle qu'on a moins l'occasion de visiter, davantage le petit campus pour ma part, mais Café Campus donc 23 février pour Stephen McMouse and the Jicks. Les billets, il me semble, sont déjà en vente. On va continuer avec Fat History Mouth, un groupe qui a quand même du Modest Mouth dans le nez. Ils viennent de sortir Bad History Mouth, donc un album duquel on va entendre la chanson-titre de la formation Fat History Mouth sur les ondes de CISM, l'émission Le Terminus. Cowboy can't tell that everything is swell, even though we'll be right back. Directement de Nashville, Tennessee, c'était Cheap Time avec Spark in the Chain, une chanson tirée de leur tout nouvel album Exit Smiles qui sortait il n'y a pas tellement longtemps. C'était précédé de Carb on Carb, un duo de Nouvelle-Zélande avec une chanson qui s'appelle You're Bound to Fall, Give. Les prochaines chansons que vous allez entendre, il y en aura trois. Elles sont tous liées ensemble parce que c'est des groupes qui étaient ou qui sont signés, je crois qu'ils, ouais, en partie encore signés, sur le label 4AD, fondé en 1979. Il y a d'ailleurs un livre qui est sorti cet automne sur l'histoire du label. C'est Mathieu Saint-Jean de l'émission La Courbe 2.0 qui joue dans la nuit la semaine, qui me parlait de ça. Donc, livre qui s'intéresse aux deux premières décennies de ce label-là, qui a 30 ans, même plus, ou à peu près. Et donc, s'intéresse aux années 80, 90, et années 90, au moment où un des deux fondateurs du label a quitté le groupe, pas le groupe, mais le label. Donc, j'ai choisi pour vous trois groupes du début des années 90, moment assez fort dans l'histoire de ce label-là. Throwing Muses, vous allez entendre également de Breeders, et on va commencer avec Pale Saints, formation anglaise qui a existé entre 87 et 96. On va écouter un album sorti en 90, lui s'appelle The Comforts of Madness, la chanson Time Thief. On écoute ça à l'instant à l'émission Le Terminus. Oh, Jusqu'à 20h, vous écoutez l'émission Le Terminus. Ce que vous venez d'entendre, c'était Throwing Muses avec Not Too Soon, une chanson sortie en 1991, et ça concluait un segment dédié au label 4AD et des groupes qui étaient sur ce label-là au début des années 90. J'avais entendu juste avant The Breeders et la chanson Safari, qui était un single sur lequel il y avait trois chansons, dont la chanson titre, et The Breeders, formation de Kim Deal, membre ou ex-membre maintenant, oui, encore une fois, elle a quitté à nouveau le groupe il y a quelques pas tellement longtemps cette année. Donc, anciennement, donc je le disais, de Pixies, qui ont continué sans elle, donc sorti de la nouvelle musique sans elle, ils continuent à tourner. Mais Kim Deal continue avec The Breeders. Ils étaient d'ailleurs à Oshiaga l'été dernier, ils nous ont visités. Et avant ça, on avait aussi Pale Saints et la chanson Time Thief. On va revenir en 2013 maintenant avec Scout Niblett, une dame de Portland en Oregon. Elle fait une musique assez minimaliste, là, seulement elle à la guitare, accompagnée d'un percussionniste. On va entendre de son album It's Up to Emma, la chanson All Night Long de Scout Niblett sur les ondes de CISM 89.3. Thank you. Gap Dream avec leur chanson There's Blood on the Stone de l'album Shine Your Light qui vient de paraître sur Burger Records, une étiquette de disque vraiment à surveiller. Si vous avez aimé ce que vous avez entendu, ils ont vraiment beaucoup de groupes, davantage à sonorité garage que ce que vous venez d'entendre, mais quand même super intéressant. Et justement, c'était Unity Floors avec The Release. Leur album Exotic Goldfish Blues vient de sortir lui aussi sur Pop Frenzy Records, un autre label cool, mais lui de l'Australie, d'où vient Unity Floors. On va continuer avec un duo francophone qui va sonner pas mal garage slash punk. On va commencer ça avec les Français de Magnetix, la chanson Pire en Pire, et ensuite ça sera des gens de Matane, les Vilains Puceaux. Oui, sur les ondes de CISM à l'émission Le Terminus. Matane, Matane, Matane, madame de Dubois. Toi. Et tout ça fait pas chier, t'es ta madame de Dubois. Toi. Et tout ça fait pas chier, t'es ta madame de Dubois. Toi. Et tout ça fait pas chier, t'es ta madame de Dubois. Merci, merci. C'était les Vilains Puceaux avec Matane, Ville du Poil. Les Vilains Puceaux sont un groupe de Matane, justement. Ils ont un bandcamp, lesvilainspuceaux.bandcamp.com, si vous voulez entendre les autres titres de ce premier album, des titres au nom assez explicite, je pourrais dire. Restez à l'écoute dans quelques instants. En fait, il y a même une des chansons qui parle de Facebook, donc déjà, vous pourrez aller voir ça juste pour ça, connaître leur opinion sur Facebook. Donc, je le disais, restez à l'écoute parce que dans quelques instants, Romain Blouin va être là avec l'émission « Nous sommes les rockers » pour la prochaine heure. Sinon, pour retrouver la liste des chansons que tourner pendant l'heure, ça va se retrouver dans quelques instants sur le cism893.ca. Il y a également les archives de l'émission sur leterminus.ca. On va se quitter pour une minute peut-être de la musique de Vidéoville, formation locale, musique instrumentale à tendance rock de leur album Vidéoville 2 Vendetta dal Futuro, sorti en 2010. On va écouter Commandant Cobra, c'est ce qu'on écoute à l'instant. Sinon, je m'appelle Jean-François Lusignan, je vous souhaite une très bonne fin de soirée, puis on se reparle lundi prochain, 19h, pour une autre émission du Terminus. Bye! Le site web de CISM a été remasterisé. Visite la nouvelle plateforme en te dirigeant au cism893.ca. Tu pourras ainsi écouter la marche en direct sur ton ordinateur, ton téléphone et ta tablette. Ne manque plus tes émissions favorites grâce aux archives et à l'écoute sur demande. Gagne des billets en participant au concours, découvre de nouvelles émissions en lisant nos actualités, achète ta musique via notre palmarès, télécharge ton application mobile et beaucoup plus au cism893.ca. CISM893.ca, aucun algorithme, des centaines d'animateurs. Evenco et Greenland présentent 3 Days Grace en spectacle à Montréal le mercredi 11 décembre. Billets en vente maintenant. Au 1-855-790-1245 via evenco.ca. Visitez threedaysgrace.com pour plus d'infos. Le monde dans tes oreilles. Que tu veuilles en savoir plus sur le nouveau deltaplane de Vladimir Poutine, la plus récente orgie de Dominique Strauss-Kahn, les balades à dos de licorne du camarade Kim Jong-un, la plus récente soirée Bunga Bunga de Silvio Berlusconi, ou encore du nouveau passeport de Gérard Depardieu. Le monde dans tes oreilles, c'est tout ce qu'il y a de plus pertinent dans l'actualité internationale. Les mardis de midi à 13h sur les ondes de CISM 89,3 FM.